بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant la partie de la manzouma de Cheikh Sa'di et c'est bien entendu relié aux activités du séminaire qu'on a organisé, alhamdoulillah, en collaboration avec les frères de la mosquée Abu Darda dans la ville de Thiès au Sénégal. Et donc, alhamdoulillah, d'autres frères avant moi ont commencé l'explication de cette manzouma. Et c'est une manzouma de Cheikh Sa'di, Abdurrahman Sa'di, rahimahullah, qui touche la croyance, la aqida, qui touche le manhaj et qui touche beaucoup d'autres aspects également par rapport à la foi et au comportement. Et donc, les versets, moi que je vais essayer d'expliquer, inshallah, avec l'aide d'Allah, c'est les versets, ou les vers plutôt, 37 jusqu'à 48, inshallah. Donc, dans ces vers-là, comme dans les vers précédents, il y a beaucoup de matière à étudier. Et donc, inshallah, je demande à Allah Azzawajal son aide et son support dans la simplification et la clarification résumée des sens de ces vers dans lesquels Cheikh Abdurrahman Sa'di, rahimahullah, a clarifié beaucoup de choses bénéfiques pour nous. Et donc, on va essayer, inshallah, d'avancer dans le sujet. Donc, on commence tout de suite avec le vers 37, dans lequel Cheikh Abdurrahman Sa'di, il dit, rahimahullah, عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجنب المنهي عنه وتبعدي. Donc, dans ce vers, Cheikh Sa'di, rahimahullah, il mentionne l'importance de s'accrocher à la piété. Et la piété, c'est un mot en français qui est utilisé souvent pour désigner ou pour traduire at-taqwa en arabe. Sauf que, yani, lorsqu'on comprend comme il faut la signification de at-taqwa en arabe, eh bien, on sait que le mot piété, yani, il ne donne pas honneur complètement à la signification. Pourquoi? Parce que le terme taqwa en arabe, la réalité de taqwa, c'est de faire ce que Allah Azza wa Jalla nous ordonne et d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ce que Allah Azza wa Jalla nous interdit. Et yani, dans cette parole donc de Cheikh Sa'di, il dit alayka bi taqwallahi fi fi'li amrihi. C'est la définition elle-même qu'il donne dans le vers. C'est-à-dire, reste sur la taqwa d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne. Wa tajtanib al-manhiya. C'est-à-dire, tu t'écartes de ce qui est interdit. Tu évites ce qui est interdit. Wa tub'idu. Donc, tu t'en éloignes complètement. Et parmi les salafs, il y a une parole de Talq ibn Habib, rahimahullah, qui est rapportée par les ulama lorsque on lui a questionné ou on l'a questionné à propos de la signification de at-taqwa. Et Talq ibn Habib, rahimahullah, il a répondu en disant taqwa Allah, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nourin min Allah. رجاء ثواب الله والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله. Et donc dans cette définition, on comprend et on résume la signification de at-taqwa, mais de façon encore plus détaillée. Donc on explique que at-taqwa, déjà le verbe en arabe waqa yaqi, qui signifie de se protéger. De se protéger. Et on dit en arabe Al-wiqaya, wiqaya qui vient de la racine du mot taqwa ou du verbe waqayaqi, qui signifie une protection. Et donc, lorsque quelqu'un cherche taqwa Allah, eh bien, il cherche une protection contre Allah Azzawajal et contre le châtiment d'Allah Azzawajal. Et donc, cette définition de Talq ibn Habib, elle dit que la protection contre Allah Azzawajal et son châtiment, c'est de faire ce qui est en accord avec son obéissance. Donc, tu agis selon son obéissance. Ala nourin min Allah. Ala nourin min Allah, ça veut dire, si on traduit littéralement, sur une lumière qui vient d'Allah. Et la lumière qui vient d'Allah, c'est la science de la révélation. Donc, tu te bases dans cette obéissance pour Allah, tu te bases sur la science qui vient du Coran et de la Sunna. Raja'a thawabillah, tu espères la récompense d'Allah Azzawajal dans cette obéissance. Et le fait de se préserver ou de se protéger d'Allah Azzawajal, c'est également d'abandonner la désobéissance d'Allah Azzawajal, de laisser les péchés. Ala nourin min Allah. Donc, avec une science tirée du Coran et de la Sunna qui vient d'Allah Azzawajal. Donc, ça doit être une piété, une protection qui est basée sur la science. Parce que si tu cherches une protection qui est basée sur l'innovation, sur la bid'a, ou bien sur l'ignorance, ça ne va pas te protéger correctement contre le châtiment d'Allah Azzawajal. Parce que tu ne peux pas te protéger d'Allah Azzawajal parce qu'il t'a interdit. Hein? Donc, si tu cherches à te préserver d'Allah ou à faire des actes d'adoration qui n'ont pas été légiférés et qui ne sont pas basés sur la science qui vient d'Allah Azzawajal, eh bien, à ce moment-là, eh bien, tu ne t'es pas préservé d'Allah correctement. Et combien parfois d'ignorants, de personnes ignorantes qui se préservent ou pensent être en train de se préserver d'Allah Azzawajal, mais c'est uniquement à cause de leur ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas correctement la religion. Donc, ils rentrent des choses, ils font rentrer dans la religion des choses qu'ils pensent faire partie de la protection et de la taqwa, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la taqwa. Et parfois, ils enlèvent de la religion des choses qui font partie de la taqwa, et yani, donc, ils deviennent laxistes et ils ne réalisent même pas, à cause de leur ignorance. Et c'est pourquoi Allah Azzawajal, il nous a mentionné l'exemple des Juifs et des chrétiens, hein, qui ont dévié à cause de leur. Yani, parfois, ils ont de la science, mais ils s'en détournent. Donc, ils sont devenus ceux qui ont enjoint la colère, qui ont reçu la colère d'Allah Azzawajal sur eux, parce qu'ils savent, mais ils ne font pas. Et ceux qui ont justement un manque de science, ou qui ignorent, ou qui suivent leur passion, et à cause de ça, eh bien, ils sont égarés. Et donc, ils pensent qu'ils sont sur la piété et sur la crainte d'Allah Azzawajal, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le fait qu'ils ne se préservent pas d'Allah Azzawajal correctement. Et comme Talq ibn Habib il dit, pour terminer cette définition, khawfa iqabillah. Donc, quand tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit comme péché, comme innovation, comme tout ce qui est interdit dans la religion, que ce soit le shirk, le kufr, les kaba'ir, les sagha'ir, les bid'a et toutes les différentes catégories de choses interdites, tu le fais avec science qui vient d'Allah, dans le Coran et dans la Sunna, et en craignant le châtiment d'Allah. Donc c'est ici qu'il y a la référence à la crainte d'Allah Azzawajal. Donc la crainte d'Allah est une partie de la piété ou de la taqwa, mais ce n'est pas la définition de la taqwa elle-même, parce que certains parfois traduisent. Hein, et même dans le Coran, dans la traduction du Coran, parfois, dans certaines traductions, ils traduisent at-taqwa par la crainte. Ils disent Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Alors que la crainte, c'est pas la définition de at-taqwa, mais c'est un des éléments qui fait partie de cette définition-là. Donc c'est très important de connaître et de comprendre at-taqwa. Et en même temps aussi, Allah Azzawajal, il parle de at-taqwa dans le Coran, dans plusieurs versets, et il a rattaché à la taqwa le succès dans l'au-delà, le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et beaucoup de promesses qui sont faites aux croyants dans le Coran, eh bien, sont faites à ceux qui ont at-taqwa. Et par exemple, Allah Azzawajal, il aime ceux qui ont at-taqwa. Et par exemple également, il dit celui qui se préserve d'Allah Azza wa Jal et qui a la taqwa, Allah va lui rendre les choses faciles. Il mentionne également il dit celui qui a la taqwa d'Allah et qui se préserve d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal va lui donner une issue facile. Il va lui donner une issue dans ses problèmes. Et il dit وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah Azza wa Jal va lui donner sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Et également il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Allah Azza wa Jal, il dit également, et celui qui a la taqwa d'Allah et qui se préserve d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va lui expier ses péchés. Il va lui effacer ses péchés et va lui augmenter sa récompense. Et donc ça, c'est yani, parmi les choses qui sont reliées à la taqwa et au fait d'avoir la taqwa. Et ça, c'est seulement quelques exemples, parce que si on regarde dans le Coran, on voit que le terme ou la taqwa lui-même, elle-même, la taqwa, elle renferme toutes les caractéristiques de bien. Et que parfois, c'est utilisé comme un synonyme de yani, de tout ce qui est bien, hein, al-bir. Et également, c'est un synonyme de al-iman et de la foi et de tout ce qui est relié à la foi. Donc, ça englobe la religion tout entière. Donc, ce terme-là, at-taqwa, c'est un terme très important pour les musulmans. Et le vers suivant, Cheikh al-Sa'di, il dit, rahimahullah, وَكُنْ مُخْلِصًا لِلَّهِ وَحْذَرْ مِنَ الرِّيَا وتابع رسول الله إن كنت تعبدي إن كنت تعبدي إن كنت تعبد نعم وتابع رسول الله إن كنت تعبد c'est-à-dire maintenant Cheikh Al-Sa'di رحمه الله il va commencer à parler de l'importance de l'ikhlas. Et on sait que l'ikhlas c'est التوحيد. En réalité c'est le tawhid, c'est le fait de purifier ta religion, purifier ton tawhid, tes adorations, purifier tes actions, purifier tes paroles, hein, et tes intentions de toute forme de shirk, de tout ce qui peut être relié au shirk, que ce soit le shirk majeur ou le shirk mineur. Hein? Donc tu dois faire preuve d'ikhlas dans tout ce que tu fais pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran à ce sujet-là, « Ala lillahi d-dinul khalis » Hein? N'est-ce pas à Allah que revient l'adoration pure, la religion purifiée, la religion pure, hein? Le culte pur, l'adoration pure. C'est à Allah qu'elle revient. N'est-ce pas que c'est à lui qu'elle revient la religion pure? C'est-à-dire, n'est-ce pas pour lui que tu dois purifier ta religion et faire en sorte que toute ton adoration soit uniquement pour lui et personne d'autre que lui? C'est lui seul que tu dois adorer? Que ce soit des adorations dans la parole, des adorations dans tes actions, des adorations du cœur, tes intentions, hein, l'espoir, la crainte, l'amour, mettre ta confiance. Hein, tout ça sont des choses qui yani, doivent être faites pour Allah seul et doivent être uniquement pour Allah. La crainte, l'espoir, mettre ta confiance, faire des douas, hein, faire ton hajj et ta umrah et ton jeûne, hein, et tous tes actes d'adoration, ta sadaqa, hein, sadaqa, la zakat, la salat, tout ce que tu fais dans ta religion, tu dois le faire pour Allah seul. Allah Azza wa Jal, il dit également وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En parlant des gens du livre, Allah il dit, et on leur avait uniquement ordonné d'adorer Allah seul en lui vouant un culte pur, c'est-à-dire sans faire de shirk, sans associer rien avec lui. Et donc en arabe, le terme ikhlas, il vient de al-khalis. Hein? Al-khalis qui veut dire quelque chose qui est as-safi al-naqi, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est propre, hein? Quelque chose qui n'a aucune saleté, aucune impureté dedans. Il a été complètement purifié, nettoyé de tout ce qui peut yani, le salir, hein, le rendre impur. Et la plus grande impureté, c'est le shirk. Et également, Le shirk, on sait qu'il se divise en deux catégories, le shirk majeur et le shirk mineur. Donc, tous les aspects, il y a le shirk apparent et le shirk caché. Tous ces aspects-là font partie du shirk et tu dois purifier ta religion pour Allah. Hein? Tu dois purifier ta religion pour Allah et être sur le tawhid. Et donc, la signification de purifier ta religion pour Allah, voilà ce que ça signifie. Que tout ce que tu fais, tu le fais uniquement pour Allah. Toutes tes adorations, tu les fais uniquement pour avoir l'agrément d'Allah seul. Et non pas pour avoir quelque chose de la vie d'ici-bas, de la dunya, de l'argent ou un poste. Hein? Tu ne fais pas pour te faire voir des gens ou te faire entendre, mais tu le fais uniquement pour Allah et son agrément et son plaisir seul. Hein? Et pour aucune autre chose. Et c'est ce qu'on appelle hein, l'ostentation. L'ostentation, le fait de vouloir se faire voir des autres et de se faire glorifier par les autres pour des bonnes actions qu'on fait. Ou parfois quelqu'un, il va faire des actes d'adoration, mais il va faire des actes d'adoration pour obtenir quelque chose dans ce bas monde. Il va dire, bon, moi je veux faire des études religieuses pour que je puisse avoir un diplôme, et avec ce diplôme-là, je vais pouvoir avoir un emploi, je vais pouvoir avoir un travail, je pourrais être imam, je pourrais être juge, je pourrais être enseignant, je pourrais être ci et ça. Si la personne, elle le fait, et elle le fait uniquement pour la dunya, alors à ce moment-là, il y a cette action-là, elle n'est pas pour Allah Azza wa Jal. Si elle le fait uniquement pour la dunya, sans espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal, et sans le faire pour plaire à Allah seul, alors à ce moment-là, il y a du shirk dedans. Tandis que si la personne, elle cherche la science, et elle utilise ses connaissances pour Allah Azza wa Jal et pour la religion d'Allah, et en même temps, elle profite de ça pour gagner quelque chose pour s'aider à vivre dans sa subsistance et que son intention principale, ce n'est pas la dunya ou obtenir quoi que ce soit, mais surtout uniquement pour plaire à Allah, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce moment-là. Mais il faut faire attention à ar-riya. Ar-riya. Parce que ar-riya, ça détruit tes œuvres. Ça détruit la validité de tes œuvres. Hein? Et quand on a demandé l'exemple de ar-riya au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que c'est la personne, elle embellit sa prière lorsqu'elle voit que des gens la regardent. Hein? Comme c'est rapporté dans Sunan ibn Majah, authentifié par Sheikh al-Albani. Donc ça veut dire que tu dois faire attention. Hein? Allah Azza wa Jal, il dit « Ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk » Hein, فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc dans ce hadith, Allah Azza wa Jal, il mentionne, hein, c'est un hadith Qudsi, il dit, je n'ai aucun besoin de partenaire et d'associé. Donc si tu fais une action, celui qui fait une action dans laquelle il a associé avec moi quelque chose, eh bien je le laisse avec ce avec quoi il m'a associé. En voulant dire, je ne veux rien hein, de cette action-là parce qu'elle n'est pas purement pour moi. Et même que dans certaines narrations, il dit, au jour de la résurrection, il va dire à la personne qui a fait des actions pour se faire voir ou pour les gens, on va lui dire, retourne vers la personne pour qui tu faisais ces actions-là et vois s'ils vont te récompenser. Vois s'ils vont te donner quelque chose, une récompense quelconque. Et dans ce vers du vers 38, il y a cet aspect de Al-Ikhlas, hein, et il y a également la deuxième partie du vers wa tabi' rasulallah in kunta ta'budu. C'est-à-dire que il y a dans ce vers les deux conditions de l'acceptation de l'adoration, c'est-à-dire que pour que tes œuvres soient acceptées d'Allah Azza wa Jal, elles doivent être accomplies avec l'Ikhlas. Hein? C'est-à-dire tu dois te rejeter toute forme de shirk majeur ou mineur et en même temps tes actions si elles doivent être acceptées et pour qu'elles soient acceptées c'est une condition qu'elles soient faites en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si ton adoration elle est basée sur des innovations, sur des bid'ah, des actions ou des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ou n'a pas enseigné, alors ces actions-là ne seront pas valides, ne seront pas acceptées d'Allah Azza wa Jal. Et à ce sujet-là, On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, hein, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Et il dit aussi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Donc quiconque fait une action, hein, qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et aussi, dans une autre narration, celui qui invente dans notre religion celui qui invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, eh bien, Allah va le rejeter. Hein? Il ne sera pas accepté, ce sera rejeté cette action. Donc les innovations, peu importe leur quantité, peu importe leur sincérité, si l'action elle-même n'est pas légiférée, n'a pas de référence dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, on n'a pas le droit de pratiquer cette action-là. Et ça, malheureusement, on retrouve dans la Ummah beaucoup d'égarements et beaucoup de bid'ah par lesquels les gens, hein, de la Ummah prétendent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et en particulier, on trouve ça comme exemple chez les soufiyas. Hein? Et combien de toruq soufiyas sont présentes dans le monde musulman, dans lesquels il y a toutes sortes de formes de bid'ah et d'égarements. Et quand tu leur demandes, sur quoi vous vous basez? Ils disent, mais c'est notre cheikh qui nous a enseigné ça. Et quand tu leur dis, oui, mais votre cheikh, il a dit ça, mais est-ce que c'est basé sur le Coran? Est-ce qu'il y a des preuves authentiques dans le Coran et dans la Sunna? Montrez-moi les preuves, montrez-moi les références. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune référence. Parce que tout ce qu'ils font, c'est basé sur des bid'ahs. Hein? C'est basé sur l'idée, parfois, que le cheikh, il a vu quelque chose dans son rêve. Il a vu quelque chose dans son rêve, il pense que ça y est, ça fait partie de l'islam. Il a dit, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, soit en rêve, ou soit en état d'éveil, comme certains parmi les Tijani, ils prétendent. Ils disent, nous on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Il vient, il s'assoit avec nous, hein, et il nous donne des informations sur la religion, des choses qu'on ne connaissait pas sur l'islam. Des choses qui ne sont pas dans le Coran et qui ne sont pas dans la Sunna. Hein? Il vient puis il nous enseigne des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, il dit dans le Coran, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, hein, j'ai complété sur vous votre religion, j'ai parachevé sur vous, hein, mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion sur vous, pour vous. Donc il n'y a pas de choses qu'on peut ajouter après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Allah azza wa jal, il a élevé son messager, il a pris son âme. Et donc il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, il n'y a plus de révélation. Hein? Et est-ce que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient, on voit encore le prophète, il vient encore nous visiter et nous voir. Il vient encore nous expliquer des choses. Hein? Quand ils avaient des questions, jamais de la vie. Ils demandent à Allah azza wa jal de les aider et ils retournent au Coran et à la Sunna pour avoir les réponses sur les questions de la religion. Donc que ce soit les Mouridiyya, hein, que ce soit les Tijaniyya, que ce soit les yani n'importe quelle autre tariqa parmi les turqs de bid'a et d'égarement, toutes ces turqs sont des turqs, des chemins qui mènent vers l'enfer, des chemins d'égarement, parce qu'ils ne se basent pas sur la révélation et la connaissance qui vient d'Allah Azza wa Jal, mais elle se base sur des superstitions et des mensonges et des choses inventées par des marabouts menteurs. Hein? Nasallallahu al-afiyata wa salam. Qu'Allah nous préserve et préserve toute la Ummah de ces égarés et de ces égareurs, hein, qui cherchent uniquement à profiter des gens pour, hein, les égarer. Ils utilisent la naïveté des gens et leur innocence pour les contrôler et pour les faire dévier. Et pour les rendre esclaves à leur propre personne, au lieu que les gens soient des esclaves d'Allah Azza wa Jal, ils veulent qu'ils deviennent esclaves d'eux, hein, et des serviteurs de leur personne. Hein, donc que Allah nous préserve de ces égareurs égarés. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Donc al-ikhlas et al-mutaba'a, le fait de purifier ta religion et ton adoration. Tu ne vas pas adorer un cheikh. Tu ne vas pas prier à une tombe, tu ne vas pas aller faire tawaf autour d'une tombe, tu ne vas pas adorer des morts ou prier à des morts, tu ne vas pas prier à Ahmadou Bamba, à Touba, tu ne vas pas aller à la tombe d'Ahmadou Bamba pour prier sa tombe. Hein? Et faire des tawaf autour de sa tombe, et faire des doigts en direction de sa tombe, comme si c'était Allah. Hein? Ça, c'est du shirk, celui qui fait ça. Celui qui va faire yani, des pèlerinages dans les différentes tombes des chouyours. Ça, c'est de la bid'a et c'est du shirk. Hein? Ça fait qu'une personne risque de s'égarer, elle peut même sortir de l'islam, parce que si elle fait du shirk majeur, elle sort de la religion. C'est très, très grave. Hein? Et donc, elle purifie son adoration, elle va adorer seulement Allah Azzawajal. Et elle s'écarte de toutes les innovations. Comme ça, elle a respecté les deux conditions fondamentales pour que ses actions soient acceptées. Et quand elle arrive au jour de la résurrection, elle sera satisfaite et Allah sera satisfaite. Allah sera satisfait de lui. Le vers suivant, le vers 39, Allah Azzawajal. Le Cheikh Al-Sa'di, il dit: Tawakkal ala ar-Rahman haqqan wa thiq bihi liyakfika wa yughnika haqqan wa tarshudu. Donc ici, Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah, il parle de at-tawakkul. Et at-tawakkul fait partie des actes d'adoration du cœur. Le fait de mettre sa confiance et de reposer toute sa confiance en Allah Azzawajal. Et donc, le croyant, c'est une obligation pour lui de mettre toute sa confiance en Allah seul et de reposer sa confiance en Allah seul. Et Allah Azzawajal, si tu as confiance en lui réellement, Allah Azzawajal va te suffire. Hein? Et il va t'aider et te donner hein, la guidance et le succès. Donc, ça, c'est une action du cœur qui est fondamentale en islam, qui fait partie des grandes formes d'adoration. Et la réalité de at-tawakkul, c'est que tu laisses toutes tes affaires, tu t'en ramènes à Allah Azzawajal. Hein, tu laisses toutes tes affaires, dans le sens que tu dis, je mets ma confiance en Allah Azzawajal dans tout ce que je fais. Hein, et je cherche refuge en Allah Azzawajal seul pour avoir de l'aide, pour avoir le succès, pour avoir la droiture, pour qu'il me garde, pour qu'il me préserve. Et tu te détaches hein, des attachements qui, dans le sens que si par exemple, tu mets ta confiance en Allah Azzawajal, eh bien tu restes conscient que c'est Allah seul qui est capable de te protéger et de te guider et de t'aider et hein? Il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans. Tu vois que ils mettent leur confiance en autre que Allah et ils se disent musulmans. Et ça, c'est une contradiction avec l'islam. Pourquoi je dis qu'ils mettent leur confiance en autre que Allah? Parce que le musulman, il met sa confiance en Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il dit dans le Coran: Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. Et mets ta confiance sur celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Tu vas pas mettre ta confiance en quelque chose qui meurt ou en quelqu'un qui meurt. Tu vas pas mettre ta confiance en un cheikh pour qu'il te protège ou qu'il te sauve au jour de la résurrection ou dans ce bas monde. Et quand tu as un malheur, tu appelles le cheikh qu'il te sauve. Non. Hein? Il y en a beaucoup qui font ça. Ya Tijan, ya Qadir, ya Abdul Qadir, ya Fulan, ya Fulan. Au lieu de demander l'aide d'Allah, ils appellent à des êtres humains. Ils mettent leur confiance en des êtres humains, en des créatures. Hein? Et ça, c'est du shirk. Et il y en a d'autres, ils portent des gris-gris, des amulettes et des porte-bonheur. Quand ils ont un problème, ils pensent que ça va les protéger contre le mauvais œil. Hein? Ils pensent que ça va les protéger contre le sihr, contre la sorcellerie. Hein? Ils pensent que ça va les protéger hein, contre les mauvais sorts. Hein? Non, mets ta confiance en Allah Azzawajal. Il n'y a rien qui peut t'atteindre si tu mets ta confiance en Allah. Mais si tu mets ta confiance en des créatures, eh bien là, à ce moment-là, il n'y a rien qui te protège réellement. Parce que Allah, il dit dans le Coran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire que ceux qui font de la sorcellerie, ils ne peuvent atteindre par leur sorcellerie personne que par la permission d'Allah. Mets ta confiance en Allah Azzawajal. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des marabouts. N'aie pas peur des chouyours. N'aie pas peur des gens de l'égarement. N'aie pas peur des djinns. Hein? N'aie pas peur du mauvais œil. Mets ta confiance en Allah Azzawajal et fais les causes pour être protégé. Hein? Fais les causes pour être protégé en récitant la parole d'Allah. en récitant les invocations, en faisant les du'as, en faisant la ruqya sur toi-même et sur ceux de ta famille, pour qu'Allah les protège avec la parole d'Allah, avec le Coran, avec les hadiths, les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas avec des gris-gris, des porte-bonheur, des gens qui ont mis des gris-gris sur eux. Nasallallahu al-afiyah, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu à l'intérieur de ces gris-gris-là, qu'est-ce qu'il y a? Souvent, il y a de la sorcellerie et du shirk et du kofr. Hein? Et les gens, ils ne le savent pas. Et ils font confiance aveugle à ces chouyoukhs-là. Et ils payent pour ces gris-gris-là, alors qu'il n'y a que du shirk et de l'égarement là-dedans. Mettez votre confiance en Allah, Azza wa Jal. Ces gris-gris-là ne peuvent pas vous sauver, ne peuvent pas vous aider. Hein? Ça, c'est le tawhid. Donc, at-tawakkul. Allah Azza wa Jal dit « Wa ala Allah falyatawakkal al-mu'minun » C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Allah Azza wa Jal il dit « Ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin » Mettez votre confiance sur Allah si vous êtes croyant. Ça veut dire si vous n'êtes pas croyant, vous n'allez pas mettre votre confiance en Allah. Mais si vous êtes croyant, eh bien ça c'est une condition. Vous allez mettre votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas des croyants. C'est ça que ça veut dire. Allah Azza wa Jal, il dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Celui qui met sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit. Allah lui suffit comme protecteur, lui suffit comme guide, lui suffit comme aide, lui suffit comme tout, comme support. Tu n'as pas besoin de personne ni de rien si Allah est avec toi. Mais si Allah n'est pas avec toi, personne ne peut t'aider. Tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le dua Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Hein? Wa aslih li sha'ni kullah. Hein? Il dit oh Allah, c'est en ta miséricorde que nous espérons et ne nous abandonne pas à nous-mêmes d'un clin d'œil, même pas un clin d'œil. Et réforme notre affaire tout entière, toute notre vie. Tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal. Liyakfika ma yughnika haqqan. Donc si tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jal, dans ta dunya et dans ton au-delà, Allah il va te faciliter les choses. Mais ça en même temps aussi, ça ne veut pas dire que tu vas délaisser les causes. Hein? Tu vas dire, moi je vais rester assis, je vais rester dormir chez moi. Hein? Et Allah il va me faire venir une femme, je vais pouvoir avoir des enfants, je vais rester dormir dans mon lit toute la journée, je ne vais pas travailler, Allah il va me donner la nourriture. Ce n'est pas comme ça. Toute chose est reliée à des causes. Et Allah Azza wa Jal, il a relié les choses à des causes dans la création. Hein? Il a créé la création, il a créé les causes et les conséquences et les effets. Tout ce qui existe dans la création, c'est Allah qui l'a créé de cette façon-là, avec des causes et des effets. Et donc, toi, tu fais les causes. Et quand tu fais les causes, tu ne te reposes pas entièrement sur tes causes, de façon à ce que, par exemple, tu dis, « Ah, j'ai étudié à 100% pour mon examen, et je suis prêt pour l'examen, donc je n'ai pas besoin de l'aide d'Allah. » Non. Fais tes études, revise pour ton examen, mais mets ta confiance en Allah, Azza wa Jal, pour avoir le succès. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. La même chose pour n'importe quelle autre chose. Tu pars en voyage, prépare bien tes bagages, prépare bien tes affaires et mets ta confiance en Allah, Azza wa Jal. Il y a un homme qui est venu dans la mosquée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est rentré dans la mosquée, il a dit, est-ce que tu as attaché ton chameau? Il a dit, non, je ne l'ai pas échamé, je ne l'ai pas attaché, je mets ma confiance en Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, va l'attacher et mets ta confiance en Allah ensuite. Hein? Donc, ça veut dire, tu ne délaisses pas les causes, tu fais. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, اَعْقِلْهَا ثُمَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Attache-la, après ça, mets ta confiance en Allah. Si après l'avoir attaché, il arrive quelque chose, hein? قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلْ. Hein? مَا كَانَ اللَّهُ ma sha Allahu kan ou ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah a voulu est, et ce qu'il n'a pas voulu, il n'est pas. Donc ça sort de ta capacité, de ta volonté. Mais au moins tu as fait les causes nécessaires. Et à tawakkul ne vient pas en contradiction avec le fait de faire les causes nécessaires pour être préservé et pour gagner sa vie. Parce qu'il y a des choses parmi les soufis, c'est ce qu'ils font. Ils disent, j'ai pas besoin de travailler. pas besoin de gagner ma vie. Parce que peut-être même certains d'entre eux, ils vont considérer que c'est rabaissant de travailler. Et ils attendent que leur mouride, ils viennent, hein, et que leurs fidèles, ils viennent pour leur donner de l'argent. Et d'ailleurs, tu vois même certains de ces chouyouks-là, hein, tellement leurs fidèles les ont vénérés, hein, ils les ont élevés même à des niveaux de, parfois même de divinité. Ils leur attribuent des caractéristiques de divinité parfois, nasallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont même leur acheter des choses. Et ils vivent comme des riches. Si tu vois comment ils ont des voitures de l'année et puis des palais, et ils vivent dans ces choses-là. Hein? Puis ils prétendent qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Ça, c'est à cause de... Parce qu'ils ont asservi les gens, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Sa'di, rahimahullah, il dit ensuite, وتصبر تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. Donc ici, Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah, il fait allusion maintenant et il parle d'une autre forme d'adoration qui fait partie des adorations du cœur également, qui est al-sabr. Et al-sabr, c'est une des plus importantes parmi les formes d'adoration en islam. Et parfois, malheureusement, beaucoup de musulmans néglige l'importance et la valeur de cette adoration alors qu'elle est mentionnée sans cesse dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama ont expliqué qu'il y a trois types ou trois catégories de sabr en islam. Et sabr, on le traduit par la patience et on le traduit également par l'endurance. Et en arabe, as-sabr, il possède ces deux significations ensemble. La patience et l'endurance. Et donc, on sait que les ulama ont divisé les catégories de sabr, de patience, en trois catégories. As-sabru ala al-awamir wa ta'at hatta yu'addiha wa as-sabr anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa fiha wa as-sabr ala al-aqdar wal aqdiya hatta la yatasakhat la yatasakhatha. Donc, ça veut dire quoi? Comme Cheikh Sa'di l'a mentionné dans ce vers, il mentionne les trois types. Tasbir, ou tasabbar, anil isyan. Donc, la patience vis-à-vis de la désobéissance. Donc, ça prend de la patience pour cesser de faire les péchés. Ça prend de la patience pour être capable de rester loin de la désobéissance. Parce que parfois, certains péchés, ils sont reliés à des tentations, à des désirs. Eh bien, à ce moment-là, ça devient une difficulté pour la personne qui est tentée par ces choses-là de les délaisser et de les abandonner. Alors ça demande quoi? Ça demande aux musulmans à sabr. Il faut qu'ils fassent preuve de patience pour résister à cette tentation-là, à ce désir-là, à cette passion-là, à ce plaisir-là qu'ils recherchent. Hein? Si quelqu'un il a la fitna dans le zina et les choses haram, il faut qu'il se retienne. Hein? Parce qu'il y en a qui ont des fortes tentations dans ces choses-là. Surtout par rapport à qu'est-ce qu'on voit à notre époque du fait que beaucoup de femmes ont peu de pudeur et elles portent des vêtements qui exhibent leurs atours et leurs formes. Alors quand ils sortent, ils voient ça, ils n'arrivent pas à se retenir, ils tombent dans le péché à cause de ça. Ça veut dire que le croyant, il doit être patient, il doit être fort pour être capable de se retenir. De baisser le regard, de ne pas regarder les causes des choses qui peuvent l'amener à avoir ce désir et cette tentation pour aller dans le haram. Et il va faire également les causes pour se préserver du zina. Hein, comment il va chercher à se marier pour pouvoir assouvir ses désirs de façon licite avec son épouse, pour fonder une famille, pour avoir des liens de parenté qui sont propres et purs. Hein? Pas des enfants illégitimes à gauche et à droite, hein? comme ça c'est le cas dans plusieurs sociétés, hein? De sheikh, de mushrikin et de kuffar. Nasallallah al-afiyah. L'homme, il a des enfants partout et il sait même plus avec qui il a fait ses enfants, comme un chat ou un chien qui parcourt la ville. Quand il trouve une femelle, il fait des bébés à gauche et à droite. Plus tard, dans 20 ans plus tard, tu vois que les gens, ils se marient ensemble ou bien ils ont des relations ensemble et ce sont des frères et sœurs et ils ne savent même pas. parce que la société est corrompue et les gens sont égarés. Tout ça parce qu'ils ont pas, les gens, ils n'ont pas de sabr. Ils n'ont pas de sabr. Hein? Et de même que à sabr, il y en a ici, quelqu'un il est attiré par l'alcool ou tout autre péché, tout autre fitna. Il y en a qui ont la fitna de la musique. Ils ne peuvent pas se retenir d'écouter de la musique. Et la musique, c'est haram. Les sahaba, ils ont expliqué que ça amène le nifaq, l'hypocrisie dans le cœur. Donc ça, c'est une fitna. Et dans certains pays, dans certaines cultures, il y a la musique partout. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Les ulama, ils ont dit, c'est le Coran du shaitan. C'est le Coran du shaitan. Et les gens, ils font de la musique partout pour que tu oublies Allah et que tu oublies la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, rappelle-toi de ça, écarte-toi de ça, parce que tu n'en as pas besoin pour vivre, même si tu t'imagines que c'est nécessaire. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans musique. Eh bien, ça, c'est faux. Au contraire, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'il y a le Coran, il y a la parole d'Allah et qui nous suffit, qui suffit aux croyants, hein, et qui est la chose qui adoucit le cœur. Il y a également d'autres tentations, mais ça, c'est juste des exemples que j'ai mentionnés. Mais tu dois faire preuve de sabr par rapport au péché pour t'abstenir de ça. Hein? Et également, il y a as-sabr ala hukmihi. Wasbir li hukmihi. Qu'est-ce qu'il veut dire, Cheikh As-Sa'di, quand il dit wasbir li hukmihi? Il veut dire le fait d'avoir de la patience et de l'endurance lorsque tu es affecté par des malheurs qui peuvent arriver dans ta vie. Un accident, une perte de vie, une perte de bien, hein? Ça, c'est des choses qui sortent de notre contrôle. On ne peut pas, hein, les contrôler parce que c'est des choses que Allah a prédestinées pour nous et il nous met à l'épreuve dans notre foi par rapport à ces choses-là. Donc, en ce qui a trait à ces aspects qui sont prédestinés et qui font partie de ce que Allah a prédestiné dans la création, il faut savoir ça, que ça fait partie du qadar. Et le qadar, le musulman, il est obligé de l'accepter. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah Azza wa Jal, il a écrit tout ce qu'il y a de destiné de la création 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc tout ce qui se produit dans le monde actuellement jusqu'à la fin des temps, hein, eh bien, c'était déjà écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il n'y a rien qui va changer de ce que Allah a prédestiné. D'accord? Mais sauf que, s'il y a quelque chose qui arrive, toi tu es un croyant, alors tu fais preuve d'endurance et de patience. Tu es patient devant cette épreuve, hein? Eh bien, Allah te récompense et il t'efface de ces péchés-là. Ça devient une source de bien pour toi. Ça devient quelque chose de bon pour toi. Même si c'est un malheur, ça devient quelque chose de bien pour toi. Hein? Parce que tu réalises en même temps aussi que quelque chose aurait pu être pire. Tu dis, ah, tu as perdu une jambe, tu as perdu un bras, tu as perdu un œil. Tu dis, ah, hein? C'est un grand malheur. Mais dis-toi que tu aurais pu perdre les deux. Il y en a qui n'ont même pas de jambe du tout. Il y en a qui n'ont même pas de bras du tout. Il y en a qui n'ont pas de... Les deux yeux, ils les ont perdus. Peu importe le malheur qui t'arrive, il y a toujours quelqu'un qui a un malheur plus grand que le tien. Rappelle-toi de ça et sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal qu'il t'a épargné de quelque chose qui pourrait être pire. Hein? Et dis-toi que si tu tombes malade, ou si un de tes proches tombe malade, ou si l'un d'entre eux meurt, ou si il y a un accident, ou s'il y a un feu chez toi, ou tes biens sont brûlés, ou tu as perdu ton argent, tu as perdu ton travail, tout ça, c'est des choses qui sont prédestinées, c'est des épreuves pour toi, c'est un test pour toi. Et si tu es patient et que tu reconnais que tout ça vient d'Allah, et que tu gardes ta langue de te plaindre, hein, et tu gardes ta langue de critiquer Allah Azza wa Jal et la prédestination, Allah il te récompense à ce moment-là. Et Allah, il dit dans le Coran à propos de ça, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Azza wa Jal dit, et nous allons vous éprouver avec un peu de crainte, un peu de faim et une diminution dans les biens et dans les vies et dans les fruits. Et donne la bonne nouvelle aux patients, aux endurants, à Sabirin, ceux qui, lorsqu'ils sont frappés d'un malheur, ils disent, c'est de Allah que nous venons, hein? Nous sommes ses esclaves, et c'est à lui que nous retournons. Donc, ils se préparent pour sa rencontre. Ça, c'est l'attitude du mu'min. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا » Hein, ceux qui sont patients lorsqu'ils ont des difficultés, des malheurs, hein, et lorsqu'il leur arrive quelque chose, eh bien, Allah Azza wa Jal, il dit, ce sont eux qui ont été véridiques. Donc, les gens qui sont sabirines, ce sont les véridiques. Et il dit également, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah Azza wa Jal, il dit, et nous allons vous éprouver également pour voir lequel, jusqu'à ce qu'on voit, lequel d'entre vous fait partie des mujahidines, c'est-à-dire qui fait partie de ceux qui luttent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et dans sa religion. والصابرين, et jusqu'à ce qu'on voit également qui sont les sabirines, les endurants. Hein? Donc, il faut être patient. Allah Azza wa Jal, il mentionne, hein, il dit, Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah aime les patients. Hein? Et il dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Et nous avons fait d'eux des guides, des imams, des dirigeants, hein, qui guident selon notre commandement lorsqu'ils ont été patients, lorsqu'ils ont eu l'endurance et qu'ils étaient certains, ils avaient la certitude en nos signes, en nos versets. Hein? Donc ça, c'est parmi les caractéristiques pour être parmi ceux qui dirigent. Il faut avoir sabr. Tu ne peux pas diriger sans avoir de patience et de sabr. Et Allah Azza wa Jal, il dit, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَنْ يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Et il dit, si vous êtes patient et que vous avez attaqwa, vous vous préservez d'Allah et de son châtiment, eh bien, aucun de leurs complots et de leurs ruses ne pourra vous faire de tort, hein, en quoi que ce soit. Ça veut dire que, hein, as-sabr, c'est une caractéristique extrêmement importante. Et on voit comment Allah Azza wa Jal a éprouvé les prophètes et les messagers, et comment ils ont été patients. Tous les messagers, Allah Azza wa Jal les a éprouvés par des épreuves très difficiles. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ashaddu an-nasi bala'an, hein, yani, Ashaddu an-nasi bala'an, al-amthal fal-amthal, أشد الناس بلاء الأنبياء hein? الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. C'est-à-dire les gens qui ont les plus dures épreuves sont les prophètes, puis ensuite les plus pieux en descendant. Ça veut dire que plus ta religion est forte, plus ta foi est grande, plus tes épreuves seront grandes également. Et les messagers, Allah Azza wa Jal, il leur a enseigné de dire فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, une belle patience. Une belle patience, ça veut dire quoi? Une patience dans laquelle il n'y a pas de plainte avec la langue. On ne fait pas de plainte et de critique. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils n'ont plus de patience, malheureusement. Ils n'ont plus de patience les uns avec les autres. Tu vois les maris avec les épouses et les épouses avec leurs maris. Chacun, ils se plaignent tout le temps. Hein? Et les femmes, il y en a des fois, tu en entends qui vont dire, « Ah, mais moi, j'en peux plus, là, ça y est. J'ai atteint ma patience, j'ai atteint la limite. Je ne peux plus supporter. » Hein? Alors que c'est dans ce moment-là que tu dois faire preuve de patience lorsque tu dis « j'en peux plus ». C'est là que commence la patience. C'est là le début de la patience. Et c'est quoi la patience? Eh bien, c'est de retenir ta langue, de critiquer ou de dire des choses qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. Tu peux donner la nasiha. Tu peux faire le bon conseil et parler calmement et demander l'aide d'Allah et faire des douas. Au lieu de critiquer, au lieu de crier, au lieu de t'énerver, au lieu de te plaindre, hein, de te plaindre aux créatures, plains-toi au créateur, hein, comme Ayyub, hein, le prophète d'Allah Ayyub, alayhi salam, comment il a tout perdu ce qu'il avait, et en plus il était malade, hein, des maladies et des maux sans fin, et malgré tout il refusait de se plaindre. Il refusait de se plaindre, il ne se plaignait pas aux créatures, il se plaignait seulement à Allah. Hein? Et également, parmi les caractéristiques, hein? Donc ça c'est, on a dit, le fait d'être patient face au péché et aux tentations, ça c'est une catégorie. L'autre catégorie, le fait d'être patient et endurant face aux épreuves et aux malheurs qui sont prédestinés. Et ça fait également partie des catégories de la patience en islam. Et il y a également la patience qui est la plus importante, hein, as-sabr ala ta'at, le fait d'être endurant sur les actes d'obéissance. Donc, ça veut dire que les actes d'adoration qu'on fait pour Allah, eh bien, ça exige de notre part de la patience et de l'endurance parce que si on n'a pas de patience, on ne va pas être capable de continuer à les faire et de persister sur l'adoration. Hein? Il y a des gens comme ça, ils commencent l'adoration d'Allah et puis après ils sont fatigués, ils arrêtent, ils délaissent l'adoration, hein? Ils délaissent la salat, ils délaissent le jeûne, ils délaissent la zakat, hein? Ils délaissent les bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de patience. Et ça, l'adoration demande la patience. Et c'est pas pour rien que Allah Azzawajal, il nous a enseigné de dire dans Sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi que nous demandons l'aide. Pourquoi on a besoin de l'aide? Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sabr, beaucoup de patience. Et donc, tu as besoin de l'aide d'Allah pour l'accomplir. Sans l'aide d'Allah, tu ne pourras jamais adorer Allah comme il faut. Hein? Il y a toujours des manquements et des manquements et des choses qui sont déficientes dans ton adoration et dans tes actes d'adoration. Il y a toujours des manquements. Tu dois toujours essayer de, hein, de combler les manquements et essayer d'être meilleur et de t'améliorer tout le temps. Allah Azza wa Jalla, il dit, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hein? C'est-à-dire, adore Allah Azza wa Jalla et sois endurant dans son adoration. Et il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru wa sabiru wa rabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, soyez patients et endurants, et restez fermes et préservez-vous d'Allah pour que vous puissiez avoir le succès. Et c'est pourquoi Cheikh Sa'di, il dit, Allaka tas'adu, tas'adu, c'est-à-dire, si tu fais ça, c'est comme ça que tu vas avoir, hein? Le bonheur, tu vas être heureux. Mais si tu n'as pas de sabr, eh bien tu ne seras pas heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le sabr, c'est une lumière. Hein? C'est une lumière. Donc sois patient. Parce que les ulama ils disent, le sabr, c'est comme la tête par rapport au corps. Si on compare la religion, hein? Par rapport à la religion, le sabr, c'est fondamental. Et les ulama, ils disent, celui qui n'a pas de sabr, il n'a pas de foi. Il n'a pas de religion. Sans sabr, tu ne peux pas pratiquer l'islam. Donc, si tu as un manquement dans la patience et dans l'endurance, eh bien, travaille sur ça. Demande l'aide d'Allah. Hein? Demande à Allah à sabr. Parce que ça, c'est fondamental. Hein? Et si tu obtiens sabr, ça va t'aider dans tous les aspects de ta religion. Même dans ton comportement et dans les aspects, hein, de ton caractère et de ta personnalité. Hein. Tu vas t'abstenir de te fâcher contre les gens pour rien et de t'énerver contre eux parce que tu endures. Même des gens qui viennent te dire des bêtises des fois ou de t'insulter ou il y a des gens qui veulent te provoquer et toi tu te retiens. Tu retiens ton âme de leur répondre même. Et à l'époque même, l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne à ce sujet-là, il y a un homme qui se disputait avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, et il lui disait des mauvaises choses, des mauvais mots. Et Abu Bakr, il ne répondait pas. Hein? Et finalement, par la suite, Abu Bakr, à la fin, il lui a répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, il a dit, tant que tu lui répondais pas, il y avait un ange qui répondait à ta place. Mais lorsque tu as répondu, hein, il a cessé de répondre pour toi. Donc ça c'est un exemple qui montre à quel point, yani, lorsque le mu'min il est patient, Allah Azzawajal, il se charge de lui, il le préserve, il le protège, et il envoie même des anges pour lui. Hein? Donc, as-sabr, c'est très, très important. Il dit ensuite dans le vers 41, وَكُنْ سَائِرًا بَيْنَ الْمَخَافَةِ وَالرَّجَعِ هُمَا جَنَاحَيْ طَائِرٍ حِينَ تَقْصِدُ. Donc ici, Cheikh As-Sa'di, il dit, rahimahullah, soit quelqu'un qui avance entre la crainte et l'espoir, parce que ce sont les deux ailes de l'oiseau lorsque tu avances. Donc ça veut dire que tu dois toujours rester dans l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Comme l'oiseau, il a deux ailes, hein, eh bien, la crainte et l'espoir, ce sont les deux ailes, hein, qui représentent les deux ailes de l'oiseau. Et si un oiseau, il lui manque une aile, ou bien s'il a une aile qui est blessée, hein, il ne va pas pouvoir voler correctement. Et donc le mu'min, s'il se base seulement sur la crainte, il ne va pas avancer correctement dans sa religion. Et s'il se base seulement sur l'espoir et il délaisse la crainte, il ne pourra pas avancer comme il faut dans sa religion. Donc la crainte, c'est une autre adoration parmi les adorations du cœur qui sont fondamentales en islam et qui ne doivent être que pour Allah Azzawajal. Tu n'as pas le droit de craindre personne excepté Allah Azzawajal. Tu ne dois pas craindre, comme je disais au début, tu ne dois pas craindre les djinns, tu ne dois pas craindre les sorciers, tu ne dois pas craindre les idoles, tu ne dois pas craindre les tombes, les morts, les marabouts, les chouyours ou quoi que ce soit d'autre en dehors d'Allah. Hein? Tu dois craindre Allah seul. Et tu ne dois pas avoir peur en ce que les mushrikines adorent en dehors d'Allah lorsqu'ils te menacent. Hein? Si tu les critiques ou si tu appelles au tawhid, ils te disent attention. Nos idoles vont te frapper. Non. Toi, t'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu es sur le tawhid et tu as crainte seulement que d'Allah. Et les termes qui, en islam ou dans le Coran, font allusion ou bien se rattachent à la crainte sont nombreux. Il y en a plusieurs synonymes. Comme par exemple, en arabe, al-khawf. Al-khawf, c'est la peur. Et il y a aussi al-khashya. Al-khashya aussi, c'est la crainte. Et il y a al-rahba. Hein? Donc, toutes ces, yani, ces termes-là sont reliés à la crainte en islam et sont mentionnés dans le Coran. Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire que c'est seulement parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui ont la, yani, qui sont des savants, qui connaissent Allah Azzawajal, c'est seulement eux qui le craignent réellement et qui le craignent correctement. Donc, ça veut dire que une des caractéristiques pour obtenir la crainte, hein, eh bien, c'est d'avoir la connaissance. D'avoir la connaissance. Parce que sans la connaissance, tu vas pas avoir de crainte. Tu vas pas craindre Allah comme il faut. Donc, on peut dire que la crainte et l'espoir, et aussi à l'amour, toutes ces choses-là sont les trois choses qui sont le dynamo du croyant et des cœurs. C'est le dynamo du cœur du croyant. C'est ce qui le fait avancer, c'est ce qui le fait rester en équilibre et qui le fait continuer sur le droit chemin. Si le croyant il a peur d'Allah Azzawajal, eh bien quand il a peur d'Allah, il ne va pas vouloir désobéir. Il ne va pas vouloir faire qu'est-ce que Allah a interdit. Il va s'écarter des péchés parce qu'il sait que Allah le voit, que Allah l'entend, que Allah sait qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Hein? Qu'il est dur en châtiment et qu'il va lui rendre des comptes au jour de la résurrection, quand il reste conscient de ça, que Allah sait tout ce qui est caché et apparent, il ne peut pas désobéir. Il va avoir la peur, hein, de la rétribution et des conséquences pour ce qu'il fait. Parce que tu peux, parfois tu dis, hein, comme Allah dit dans le Coran, « Yastaghfuna minan nas, wa la yastaghfuna min Allah » Ils ont peur des hommes, ils se cachent des hommes, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Hein? Bon, ça c'est un manque de foi. Ça, c'est à cause d'un manque de foi. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas de crainte. Allah Azzawajal, il dit dans le Coran même, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes des croyants. Donc, le mu'min, il doit avoir peur d'Allah seulement. Hein? Et il mentionne également par rapport aux caractéristiques des croyants, hein? تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Parmi les caractéristiques des croyants, c'est que le Coran les affecte et ça leur donne même la chair de poule, hein, quand ils l'entendent. yani à cause de la crainte qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal. Il dit dans le Coran ce qui signifie yani wajilat qulubuhum. Hein? Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémit. Pourquoi leur cœur frémit? Parce qu'ils ont peur d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il mentionne même parmi les caractéristiques des croyants, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, ils ont la crainte. Allah il dit wa anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Donc tout ça pour dire, Allah il dit, si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se pulvériser, s'écraser, hein, par crainte d'Allah. Donc le cœur du croyant, lui, il mérite plus encore de se pulvériser. Et le croyant, il a la crainte d'Allah Azza wa Jal, et il a la crainte quand il lit la parole d'Allah Azza wa Jal, et quand il entend la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَفْتَدَوْ بِهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. الله عز وجل dit, si ceux qui ont été injustes, hein, les mouchriquines et les koufars et les gens qui font de la désobéissance, hein, même s'ils avaient tout ce qui existe sur terre, ainsi que quelque chose semblable, c'est-à-dire une quantité égale, toutes les richesses sur terre et quelque chose de semblable avec, ils auraient voulu l'échanger, hein, pour être épargnés du châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Et Allah Azza wa Jal, il dit ensuite dans Surat Az-Zumar, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. C'est-à-dire, il est devenu apparent pour eux. Hein? Allah leur a fait paraître ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Hein? C'est quoi ce à quoi ils ne s'attendaient pas? Ils s'attendaient à rencontrer Allah Azza wa Jal alors que Allah est satisfait d'eux et que ils ne s'attendaient pas à ce que Allah soit en colère contre eux. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Allah Azza wa Jal, et ils ne connaissaient pas sa religion, ou bien parce qu'ils ont été trompés par leurs désirs et leurs passions. Et Allah Azza wa Jal leur fait voir la laideur des péchés qu'ils faisaient. Parce que des fois, les gens font le péché, mais ils ne réalisent pas à quel point ces péchés-là sont laids. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, des gens, ils font des péchés et désobéissent à Allah. Et il continue à le faire. Et une fois que la personne a compris la crainte d'Allah et la foi et la laideur de ces péchés-là, il s'abstient des péchés. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Ceux qui transmettent les messages d'Allah Azza wa Jalla et qui le craignent et qui ne craignent personne d'autre que Allah. Et Allah est suffisant, hein, comme pour faire les comptes. Et Allah Azza wa Jalla dit également, innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. C'est-à-dire que les alliés, hein, du shaytan, ils essaient d'effrayer les croyants, et c'est le shaytan qui les envoie pour essayer de les effrayer, mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Hein? Mais il faut avoir peur d'Allah seul. Donc, si on voit par exemple parfois des koufars qui veulent menacer les musulmans lorsqu'ils veulent adorer Allah, faire la salat, lorsque la femme elle veut mettre son hijab et elle veut pratiquer sa religion, les koufars ils vont la menacer, hein? Ils vont lui faire peur avec la dunya. Ils vont lui dire, si vous faites ça, vous n'allez pas avoir la dunya, on ne va pas vous donner de travail, on ne va pas vous donner on ne va pas vous intégrer. Hein, dans les sociétés de kofr. Et beaucoup d'exemples comme ça. Et ils veulent faire peur aux croyants. Et donc, à cause de ça, parfois, les musulmans qui ont la foi faible, ils vont délaisser la religion pour faire plaisir aux kuffars dans ces questions-là. Et Allah Azza wa Jal, il dit, ça, c'est les alliés du shaitan qui veulent faire peur, hein, aux croyants Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi. Le croyant, il ne doit pas craindre les koufars et avoir peur d'eux plus que d'Allah. Hein? Il faut pas abandonner la religion d'Allah par crainte du châtiment des hommes, parce que le châtiment d'Allah est beaucoup plus grand que le châtiment des hommes, hein, au jour de la résurrection. Donc, il faut toujours se rappeler de ça. Et en même temps aussi, il faut se rappeler de l'importance de l'espoir. Et Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, in Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc, il dit, oh, mes serviteurs qui ont transgressé contre leurs propres âmes, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est certes pardonneur, hein, et miséricordieux. Donc, ça veut dire que il ne faut jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Donc, al-ya'as wal-qunut min rahmatillah. Ça, c'est des choses qui sont des caractéristiques même des kuffars. Hein? Donc, il ne faut jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et Allah, il dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » C'est-à-dire que certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Ça veut dire qu'au jour de la résurrection, si quelqu'un a commis des péchés, Allah peut le pardonner comme il peut lui faire miséricorde. Et si Allah ne lui pardonne pas et qu'il va en enfer et qu'il est mort sur le tawhid, il n'a pas fait de shirk, eh bien, il ne va pas y demeurer éternellement. Il a l'espoir de pouvoir sortir de l'enfer par l'intercession des intercesseurs. Et donc, ça, c'est une miséricorde aussi. C'est quelque chose qui ramène de l'espoir dans le cœur des croyants. Tandis que les koufars, eux, ils ne sortiront jamais de l'enfer, de même que les mouchrikines. Et malheureusement, on a des égarés parmi les khawarij et les mu'tazila qui, eux, ont essayé de dire que yani, celui qui rentre en enfer, il n'en sortira jamais. Et ils nient l'intercession et ils prétendent que les péchés que quelqu'un commet, si c'est des grands péchés, que ça fait sortir de la foi complètement et que ça fait devenir quelqu'un mécréant. Or, ça, c'est une croyance qui est totalement erronée et fausse. Et c'est pas parce que Allah Azzawajal a mentionné pour un péché quelconque une conséquence de l'enfer que ça implique que la personne y demeurera éternellement si la personne est morte sur le tawhid. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre ces aspects-là de la religion. Parce que si quelqu'un comprend ça, il va éviter de tomber dans le désespoir et dans la perte de l'espoir en la miséricorde d'Allah. Également, il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur de certains qui, lorsqu'ils pensent à l'espoir, ils oublient, hein, ils oublient que il y a des causes pour obtenir l'espoir. Et donc, ils se reposent seulement sur l'espoir, puis ils se laissent aller à tous les péchés qu'ils veulent en disant, Allah, il va me pardonner. Or, si tu veux que Allah te pardonne, hein, et que tu veux avoir son pardon et sa miséricorde, tu dois le mériter. Et pour le mériter, il faut faire les causes. Et les causes de la miséricorde, c'est de yani, d'adorer Allah et de t'écarter de ses péchés. Hein? Donc ça, c'est important. Donc il faut rester dans l'équilibre. Hein? Et c'est pourquoi Allah Azzawajal, dans le Coran, quand il parle de l'enfer, tout de suite après, il parle du paradis. Et quand il parle du paradis, tout de suite après, il parle de l'enfer. Et la raison de ça, c'est pour que les croyants restent dans l'équilibre dans leur religion. Ensuite, Cheikh As-Sa'di, il dit, وَقَلْبَكَ طَهِّرْهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَكُنْ أَبَدًا عَنْ عَيْبِهِ تَتَفَقَّدُ. C'est-à-dire, purifie ton cœur de tous les maux, hein, et sois, hein, toujours, hein, وَكُنْ أَبَدًا عَنْ عَيْبِهِ تَتَفَقَّدُ. C'est-à-dire, sois toujours en train de chercher les défauts de ton âme en toi-même. Fais-toi des comptes à toi-même. Fais des efforts, hein, pour te faire des comptes à toi-même avant que Allah te demande des comptes. Et purifie ton cœur des péchés, des tentations, des désobéissances. Parce que le cœur, il est comme le corps. Il peut être malade. Hein? Et la guérison du cœur, c'est la repentance. Hein? La repentance. Le cœur, il peut rouiller de la même manière que le métal. Hein? Et c'est lorsque tu commets des péchés, eh bien, il devient rouillé, il devient sale. Et chaque péché que tu fais met une tache noire sur ton cœur. Tu le purifies ton cœur en te repentant et en faisant les bonnes œuvres, en t'écartant des péchés. Parce que à force de commettre les péchés, si ton cœur devient complètement noir, eh bien par la suite, tu risques de ne plus pouvoir même distinguer entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal, et tu t'égares complètement du droit chemin, et ton cœur devient un cœur mort. Allah al-Musta'an. Et Allah Azzawajal, il fait dans le Coran allusion au cœur dur. Il dit malheur à ceux qui ont le cœur dur vis-à-vis du rappel d'Allah Azzawajal. Et il mentionne l'exemple de la pierre. Il dit parce qu'il y a des pierres même qui fendent et qui craquent. Yani par crainte d'Allah. Et il y en a d'autres qui craquent à cause de l'eau, qui les fait craquer, qui fait jaillir, qui fait jaillir de l'eau. Yani, alors que c'est de la roche et l'eau, elle est légère, tandis que la roche est dure, mais la roche, elle arrive à se faire yani, craquer et fendre par de l'eau. Alors si c'est le cas de la pierre qui peut même fendre, eh bien, le cœur qui est endurci par les péchés, eh bien, il est plus dur que la pierre. C'est comme ça que Allah Azzawajal le mentionne dans le Coran. Donc, purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Naam. Ici, c'est l'heure de la salat qui approche. Et il nous reste encore un nombre de vers à expliquer. Et le temps s'approche vers la fin pour nous. Donc, qu'est-ce que je vais demander aux frères? Est-ce que ça vous dérange d'attendre encore 10-15 minutes? Est-ce que c'est correct si on attend 10-15 minutes pour faire la salade? Pas de problème. D'accord. Barakallahu fikoum. OK. Et ensuite, Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il dit « وَجَمِّلْ بِنُصْحِ الْخَلْقِ قَلْبَكَ إِنَّهُ » La a'la jamalin lil wa. Donc il dit, et embellis ton cœur par le fait de donner le bon conseil aux créatures, aux autres personnes. Et ça, c'est le plus haut degré de la beauté, et de la qualité pour les cœurs des hommes. Donc le croyant, il est sincère, il donne le bon conseil, et il donne la nasiha. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha qulna liman ya rasul Allah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est la sincérité et le bon conseil. Alors il a dit envers qui? À qui, ô messager d'Allah? Il a dit envers le livre d'Allah, envers le messager d'Allah, envers les imams, les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Donc tu leur donnes la nasiha, tu leur donnes le bon conseil, le conseil sincère et tu es sincère envers eux parce que tu les aimes pour Allah Azzawajal. Et le croyant, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il déteste pour ses frères ce qu'il déteste pour lui-même. Et il est affectueux pour eux. Et il est miséricordieux envers le petit. Il est respectueux envers le vieux. Et il est triste lorsque ses frères sont tristes. Et il se réjouit lorsque ses frères se réjouissent. Et donc, tout ça fait partie des bonnes caractéristiques du croyant lorsqu'il a compris l'importance de an-nasiha. Et il dit ensuite, « Wa sahib, idha sahabta kulla muwaffaqi » يقودك للخيرات نصحا ويرشد ويرشد ويرشد. Ici, le cheikh As-Sa'di rahimahullah, il nous donne l'importance de choisir les bons compagnons et les bons amis. Et il dit que si tu choisis des bons compagnons, eh bien, ça va t'amener vers toutes les bonnes choses et le bien. Et ça va être une source de sincérité et de guidance pour toi. Tandis que si tu cherches des mauvais compagnons, eh bien, ça t'amène à ta perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Al mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. C'est-à-dire que l'homme, il est sur la religion de son meilleur ami, de son ami qui est proche, intime à lui. Alors que l'un d'entre vous fasse attention à qui il prend comme ami intime. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il va partager avec lui tout ce qu'il a, hein? Même c'est ce qu'il aime, ce qui l'attire, ce qui lui fait plaisir. Et si, hein? Et donc c'est pour ça, tu vas devenir comme celui que tu prends comme compagnon. Et c'est pas pour rien que les gens en arabe ont dit at-tuyur ala ashkaliha taqa'u. Hein? Donc ça c'est la réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné également l'exemple du bon compagnon. Il l'a comparé à la personne qui vend du parfum, du misc. Hein? Il dit mathalul jalis as-salih wal jalis as-su ka hamil al-misk wa nafikh al-kir. Il a dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais, c'est comme la personne qui vend du misc et l'autre qui souffle le verre. Et donc, celui qui porte, qui vend du misc, eh bien, si tu t'assois avec lui, hein, il va t'en donner un peu, ou bien tu vas lui en acheter, ou bien si tu n'achètes pas, ou il t'en donne pas, mais au moins tu trouves de lui une belle odeur. Tandis que, le souffleur de verre, soit il va brûler tes vêtements, ou bien tu vas trouver de lui une odeur déplaisante. Donc tout ça pour dire que le bon compagnon, il est comparable à ça, et le mauvais compagnon, il est comparable à celui-là. Et donc il faut choisir bien comme il faut ses compagnons. Écarte-toi des compagnons qui sont dans le péché, dans la désobéissance d'Allah Azzawajal. Également, écarte-toi des gens qui sont sur la bid'a et dans l'égarement. C'est pourquoi Cheikh Sa'di, il dit ensuite, وإياك والمرء وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسرانا ليس فيه تردد. Donc il dit, prends garde de prendre la personne, si tu es son compagnon, tu vas être perdant, hein, d'une grande perte, hein, dans laquelle il n'y a pas de doute ou de retour. Et le prof Allah Azzawajal dit dans le Coran à ce sujet, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Donc Allah Azzawajal il dit, le jour où l'injuste va mordre ses doigts, hein, va mordre ses mains, ses deux mains. Et il va dire, malheur à moi, pourquoi n'ai-je pas pris le chemin avec le messager? Malheur à moi, hein, pourquoi j'ai pris un tel comme compagnon? Il m'a égaré du rappel, hein, après que j'ai été guidé, hein, après que le rappel m'est venu. Et le shaitan, il abandonne l'homme après l'avoir égaré. Hein? Donc c'est pour ça. Yannick, qu'il faut faire attention, hein, à ne pas prendre de mauvais compagnons, parce que ça, c'est quelque chose qui va t'amener à l'égarement. Et Allah, il dit, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Donc Allah Azza wa Jal, il nous encourage dans le Coran de faire preuve d'endurance et de rester, hein, patient avec ceux qui invoquent Allah Azzawajal matin et soir, et qui invoquent Allah Azzawajal, qui espèrent en Allah, et de ne pas tourner notre regard, hein, vers ceux qui cherchent la vie d'ici-bas, les gens de la dunya. Donc faites attention à ces gens-là, hein, les gens qui ont beaucoup de richesses et de biens dans ce bas monde et qui oublient Allah Azzawajal et qui s'écartent du rappel d'Allah. Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Hein? Donc celui qui se détourne du rappel d'Allah, hein, on lui attache un shaitan, il devient son compagnon. Et c'est pas pour rien que les salafs, ils mettaient en garde contre le fait de prendre des mauvais compagnons, des gens de bid'a comme compagnons et des gens de passion, qui t'égare du droit chemin. Donc tout ça pour dire, se rappeler de ça. Ensuite, Cheikh Sa'di dit, wa khudh al-'afwa min akhlaqi man qad sahibtahu kama ya'muru ar-rahmanu fihi wa yurshidu. Donc il dit, il faut également apprendre à pardonner, des gens qui ont un mauvais comportement parmi tes compagnons. Hein? C'est ce que Allah Azzawajal nous ordonne dans le Coran. Allah Azzawajal, il dit, hein? C'est-à-dire, pardonne les gens et ordonne ce qui est convenable et détourne-toi, hein, des ignorants. Et il dit, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Donc repousse yani idfa' billati hiya ahsan, c'est-à-dire repousse le mauvais comportement par qu'est-ce qui est meilleur. Hein? C'est-à-dire si la personne avec qui tu as une animosité ou quelque chose, il voit que tu agis bien avec lui, malgré que lui il a agi mal avec toi, eh bien il va devenir un ami chaleureux pour toi. Et il dit dans un autre verset, Allah Azzawajal, il dit Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Donc les ulama ils ont expliqué que lorsque tu pardonnes à quelqu'un, il faut aussi tenir compte d'un point qui est important, c'est que regarde, est-ce que le fait de lui pardonner va l'amener à se réformer et à se corriger, ou si tu le pardonnes, il va continuer dans la transgression. Alors, les ulama ont dit, tu vas seulement pardonner si ça amène une réforme. Mais si la personne, à chaque fois que tu lui pardonnes, elle continue à transgresser, elle continue, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas lui pardonner. La personne, si elle est punie, à ce moment-là, elle va prendre une leçon plus que si tu lui pardonnes. Alors, dans ce cas-là, ne lui pardonne pas. Hein? Et on voit l'exemple des messagers. Youssouf, alayhi salam, il a pardonné à ses frères qui lui avaient fait une injustice, hein, qui l'ont jeté dans le puits. Hein, tout ce qu'ils lui ont fait, il leur a pardonné. Et l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris Makka et il a pardonné tous les gens de Quraysh, hein, tout ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est l'exemple du comportement des messagers. Et Allah, azzawajal, il dit, wa in ta'fou wa tasfahou wa taghfirou, fa inna Allah ghafourur rahim. Donc, si tu es pardonneur, tu pardonnes, tu excuses les gens et tu pardonnes aux gens, eh bien, Allah, il sera miséricordieux. Et il dit aussi, wal kadhimin al-ghayz wal afina 'anil nas. Ceux qui gardent leur colère, hein, ils contrôlent leur colère et ils pardonnent aux gens. Donc, ça fait partie des caractéristiques des mu'minines et de leur comportement. Donc, il faut apprendre à se contrôler notre colère et à pardonner aux gens qui font de l'injustice ou qui agissent mal envers nous ou qui nous disent parfois des choses déplaisantes. Et il dit ensuite, وترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. Hein? Donc ici le cheikh il explique l'importance de se rappeler que la vie d'ici-bas c'est seulement un passage pour nous. On n'est pas venu ici dans ce bas monde pour rester pour toujours. C'est un passage. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Ibn Omar, Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hein? Donc, soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un qui voyage. Et il dit, Wa kana Ibn Omar yaqul, Idha amsayta fala tantadhir al-sabah, wa idha asbahta fala tantadhir al-masa, khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mawtik. Donc, ça veut dire quoi? Ibn Omar, il disait, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie. Profite de ta santé pour ta maladie. Et profite de ta vie pour ta mort. Parce que, hein, fais des bonnes œuvres. Comme ça, quand tu vas être mort, tu vas être bien au jour de la résurrection. Tout ça pour dire que cette vie d'ici-bas, c'est seulement un test et une épreuve. Et c'est comme les ulama ont dit, Mazra'atul Akhira. Hein? C'est le champ de labour. Hein? On sème dans ce bas monde les bonnes œuvres et au jour de la résurrection, on va récolter les bonnes œuvres. Mais si on sème des mauvaises choses, eh bien au jour de la résurrection, on va récolter le fruit de nos péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il dit Ad-dunya mal'ouna, wa mal'ounun ma fiha, illa dhikrullah wa alimun wa muta'allim. La dunya, elle est maudite. Ce bas monde est maudit et tout ce qui est dedans est maudit, excepté le rappel d'Allah et un savant et un étudiant. Et Allah Azzawajal, il compare le Coran, dans le Coran, il dit: «I'lamu annama al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fi al-amwali wa al-awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu ila akhir al-aya.» Allah Azzawajal, il dit: «Sachez que cette vie d'ici-bas, c'est seulement un jeu, hein? La'ibun wa lahwun, une distraction. Wazinatun, une parure. Watafakhurun, c'est juste une course à la vanité, de vouloir se vanter. Hein? Tafakhurun bainakum, entre vous, vous vous vantez les uns les autres de qu'est-ce que vous possédez. Watakathurun, hein? Une course à amasser des biens. Watakathurun fil amwali wal awlad, dans les biens. Tu cours pour ramasser des biens, pour compétitionner avec les autres et avoir plus d'enfants que les autres. Hein? C'est comme une pluie qui éblouit les koufars. Hein? Et puis, quand la nature pousse, tu vois, la nature, c'est très, très beau, hein, au printemps. Tout est vert et les fleurs et tout. Et puis après, tu vois que ça commence à faner et ça commence à se décomposer et à pourrir. Et ça, c'est la réalité de ce bas monde. C'est quelque chose qui éblouit, mais après, une fois que tu comprends la réalité de ce bas monde, tu comprends que tout ça, c'est éphémère et c'est futile et que ça ne va pas durer. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: «Si cette dunya, elle valait l'aile d'un moustique, eh bien, le kafir, il n'aurait même pas eu une gorgée d'eau.» Ça veut dire que ce bas monde, il ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: «Ad-dunya, sijnul mu'min. Ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant.» Et aussi, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre la dunya. Il a dit: «Ittaqu dunya.» Et il a dit aussi: «Wattaqu nisa.» Il a dit: «Et préservez-vous de la dunya et préservez-vous des femmes.» Pourquoi? Parce que une des raisons pour lesquelles les gens courent après la dunya, c'est parce qu'ils veulent des femmes. Hein? Et ils savent que pour avoir la femme, il faut avoir la dunya. Si tu as de l'argent, tu as des biens, tu as des richesses, tu peux avoir la plus belle femme au monde, ou les plus belles femmes, et les plus nobles, les plus riches. Mais si tu n'as pas de dunya, si tu es pauvre, hein, tu es modeste, eh bien, à ce moment-là, disons que là, tu ne pourras pas obtenir ce type de femme-là. Hein? Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, hein, de chercher la femme pieuse et donner priorité à la femme pieuse et non pas à ces caractéristiques-là. Donc la femme, elle peut devenir une fitna aussi. Et ça fait partie des parures de la dunya. Hein? Donc tout ça pour dire, prenez garde à la dunya et n'oubliez pas l'au-delà. C'est pourquoi Allah Azzawajal, il nous rappelle de faire les provisions et de la piété. Et le dernier vers: وكن سالكا طرق الذين تقدموا الى المنزل الى المنزل الباقي الذي ليس ينفدي ليس ينفد. Donc il dit: et donc emprunte et suis la voie de ceux qui ont précédé. Hein? الذين تقدموا الى المنزل الباقي, c'est-à-dire qui nous ont précédé vers le paradis, hein, qui va jamais cesser. Et ceux qui nous ont précédé, ce sont les premiers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Et donc, si on suit leur voie, eh bien, on ne sera pas égaré. Et Abdullah ibn Mas'ud, il disait: Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait: Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa anna al-hayy la tu'manu alayhi al-fitna. Hein, il dit: celui qui doit prendre un exemple, hein, qu'il prenne l'exemple de ceux qui sont morts. Hein, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit pourquoi? Parce que le vivant, il n'est pas en sécurité de tomber dans la fitna. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut lui arriver. Hein? Donc, avec ceci, on va s'arrêter. Et Yanni, j'espère que Yani, j'ai fait mon possible pour essayer de clarifier la signification des paroles de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. On demande à Allah Azzawajal d'accepter et yani, que Allah Azzawajal nous fasse profiter de ce qu'on a appris. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.